Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme, qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Si vous voulez y monter, cacahuète. Si vous voulez y monter, vous vous casserez le bout du nez, vous casserez le bout du nez. Le facteur y est monté, pirouette, cacahuète. Le facteur y est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. On lui a raccommodé, pirouette, cacahuète. Pirouette, cacahuète, c'est ça la gueule dans l'escalier. Oh, coupe le bout du nez.